tous et à toutes, il est 17h09 sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, vous êtes avec Manu pour l'émission Découverte et c'est la première de cette année, bien sûr. Donc d'ailleurs, avant tout, je voudrais passer mes voeux à tous ceux qui nous écoutent, qui écoutent tout le long de la radio, tout ça, le long de l'année de la radio. Donc tous mes voeux de bonheur et de santé pour vous et votre famille. Donc aujourd'hui, ça va être une émission un peu spéciale parce que voilà, comme vous savez tous, aujourd'hui c'était l'enterrement de Linda D'Assusa que vous connaissez tous. Donc on va lui rendre un petit hommage en passant tout au long de ces deux heures, passer des chansons qui ont marqué bah, toute son histoire à elle, quoi. Je vous parlerai aussi de Radio Organise offre la galette à tous ses adhérents. La date, c'est pour le 22 janvier. Donc, désormais déjà, je peux vous annoncer que ça sera animé quand même par Ferdinand Martins, donc qui sera là dans nos locaux, dans la salle des fêtes de Radio Arc-en-Ciel, le 22 janvier. Tous les adhérents, à jour dans leur cotisation, peuvent venir, sont invités à cette galette. Et pour cela, il suffit de s'inscrire. Donc, vous pouvez appeler le standard. Hein. Vous avez toute la semaine, de 9h à midi, de 14h à 17h. Vous avez Annabelle qui est là pour vous recevoir. Donc, au 02 38 43 50 09. Ou alors, vous pouvez aussi très bien appeler chez les animateurs au 02 38 43 48 00. Et on commence tout de suite justement pour rendre hommage à Linda D'Assusa, donc un portugais. C'était Linda D'Assusa, un portugais. Et pendant les deux heures, je passerai quelques chansons justement d'elle. Donc. Et là, on continue avec Agatha, Volte a me appassionar. Meu pensamento nunca mais volta ao passado. Chegaste agora, estou perdida no teu fado. Nunca

soirée mandalouse au Cop de Cerveja. Et là, on poursuit avec au Toc et Danse, Maman et au Cœur. Alors, Toc et Danse qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le 11 février à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc à partir de 21h. Donc, réservez déjà cette date, le 11 février à la salle de Montition à partir de 21h, Toc et Danse. Et le groupe qui vous fera danser toute la nuit, c'est le groupe au 25 d'avril. Comprei uma trotinete para andar com a Lizette. Com a subida dos preços está tudo caro. Eu deixei o meu carro parado à porta de casa e comecei a poupar um dinheirinho e a fazer bom o vizinho e a mulher que é uma brasa. Já andei a pé, andei de skate e bicicleta. Nunca fiz com a Lizette ter o carro sempre parado. Comprei na moda, comprei uma bem giraça para andar na rua, na praça, ela vai para todo lado. Comprei uma trotinete para andar com a Lizette. Eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com a Lizette. A coisa que mais adoro é andar montado nela.

passa. Mulher assim eu nunca vi, ai podem crer. Lindo sorriso de minha saia, mas há quem diga tomara que caia. Um dá por outro, outro é subia. Se é de manhã, ela diz bom dia. E todos gritam, mulher tão bela. Ela sorri, mas não dá bola. Como é linda essa mulher, com olhar tão atrevido. Se ela anda sempre sozinha, porque não anda comigo? Ela um dia será minha, porque disso eu não devido. Não me quero convencer que sou indiferente para ela, porque o seu modo de ser é que me fez gostar dela. Um dia vou lhe dizer que quero casar com ela. Quando ela passa, cheia de graça, mulher assim eu nunca vi, ai podem crer. Lindo sorriso de mini saia, mas há quem diga tomara que caia. Um dá por outro, outro é sorria. Se é de manhã, ela diz bom dia. E todos gritam, mulher tão bela. Ela sorri, mas não dá bola. Como é linda essa mulher, com olhar tão atrevido. Se ela anda sempre sozinha, porque não anda comigo? Ela um dia será minha, porque disso eu não devido. Não me quero convencer que sou indiferente para ela, porque o seu modo de ser é que me fez gostar dela. Vou lhe dizer que quero casar com ela. Quando ela passa, cheia de graça, mulher assim eu nunca vi, ai podem crer. Lindo sorriso de mini saia, mas há quem diga tomara que caia. Um dá por outro, outro é sorria. Se é de manhã, ela diz bom dia. E todos gritam, mulher tão bela. Ela sorri, mas não dá bola. Sempre assim, antes de te conhecer,

Oui, c'était Linda D'Souza, Un jour on se rencontrera. Et là, on va poursuivre avec Fernando Martins, Quiero Falar Con Ela. Alors, donc Fernando Martins qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le 22 janvier, hein, dans la salle des fêtes de Radio Arc-en-Ciel au 266 Faubourg Bagné. Donc, Radio Arc-en-Ciel qui organise la Galette des Rois, qui est offerte à tous les adhérents de la radio. Donc voilà, venez en famille, venez nombreux le 22 janvier à partir de 15h. Donc ceci nous permettra de nous réunir et de partager un moment de convivialité. Et donc vous pourrez danser aussi sur le son de l'accordéon de Fernando Martins. Par contre, il faut s'inscrire. Voilà, vous pouvez vous inscrire en contactant par téléphone auprès du secrétariat au 02 38 43 50 09. Ou après de nos animateurs au 02 38 43 48 00. Donc n'oubliez pas, le 22 janvier, c'est un dimanche après-midi à partir de 15h. Donc Radio Arc-en-Ciel organise la Galette des Rois qui sera offerte à tous ses adhérents qui sont à jour, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas, appelez-nous pour vous inscrire. Et on continue donc avec, on écoute Fernando Martins, Quiero Falar Con Ela. Primeira pedra quem não tem pecado. É fácil julgar alguém que não de dizer o quanto ainda choro. Levaste todos os meus sonhos e os meus sorrisos. Sei bem que fui eu o culpado por este desfecho. Eu dava 10 anos de vida para ficar contigo. Sei que te andam a falar que não deves perdoar, mas eu quero acreditar no teu perdão. Também te andam a dizer que era melhor esquecer, mas agora peço que ouças o teu coração. Que atira a primeira pedra quem não tem. 20 ans que je te connais, toi tu vois déjà dans mes veines le creux qu'ont laissé les larmes et la distance de 2000 kilomètres. C'est parce que t'as le même gorgé de soleil et de souvenirs qui dansent au rythme des fadous, de leurs remords et cris immenses. Y'a comme un goût de par cœur que je parcours dans tes soirs, tes matins. Pourtant on n'a ni sœur ni amant avec ou sans lendemain. On a ces mêmes grands plats, ces grands hommes qui nous ont marqués au fer. Depuis Salazar, le marquis de Pombal, jusqu'à nos terribles grands-pères. Chère abeille, déjà t'aimes-sol, chère à l'oie. Entre la mer et les montagnes mentholées de Sintra, toi tu te repères avec un nuage d'allégria. T'as ces lignes de conduite de suivre le vent, et peu importe les marées hautes ou basses, orages, tourments, pourvu qu'ils t'emportent. Pala pala pala pala pala pala pala pala, chère abeille, chère abeille, et là j'atteins ça. Chère loi, chère Lisboa, chère abeille, chère abeille, et là j'atteins ça, j'atteins ça. Ma chère loi, chère Lisboa, tu t'es rebâti après un séisme pire que l'enfer. Une belle plus rayonnante, tu nous éclabousses de lumière, et ça me rassure de savoir que même quand nous avec Tony Carrel et Minha Lisboa, et s'est demandé de Jérôme pour sa maman et pour moi-même. Donc j'en profite pour le remercier et pour lui passer une bonne année 2023. Donc on écoute Tony Carrel et Minha Lisboa. E o perfume que estanha já paira no ar. Tudo bem, a calçada está gasta, mas sem rancor. Passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com um lenço à janela. Partida, sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Olhando para o Tejo, eu vejo a noite cair. E a alfama, o fado já se faz ouvir. Tantas vezes cantei. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com isso à janela. Da partida, sinto amor e alegria por saber que vou voltar a minha Lisboa. A minha Lisboa. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a mais bela, e a Dona Maria com isso à janela, e em cada partida sinto amor e alegria. Eh oui, c'est Tony Carreira, Minha Lisboa. Donc là, j'en profite pour passer encore le petit message là pour dire que donc Radio Arc-en-Ciel organise le 22 janvier la Galette des Rois, qui est offerte à tous les adhérents de la radio qui sont à jour, bien sûr, dans leur cotisation. Donc surtout, faut vous inscrire pour qu'on sache combien de personnes il y a, donc, et surtout le nombre de personnes que vous êtes. Donc vous pouvez appeler le secrétariat au 02 38 43 50 09. Ou vous inscrire auprès des animateurs, hein, qui sont aussi présents tous les jours, au 02 38 43 48 00. Donc tous ceux qui veulent participer à la Galette des Rois, offerte par Radio Arc-en-Ciel à tous ses adhérents, hein, que ça sera le 22 janvier dans la salle des fêtes de Radio Arc-en-Ciel, qui est située au 266 Faubourg Bagné. À savoir que cet après-midi, ce dimanche après-midi-là, ça sera aussi animé par l'accordéoniste Fernand Martins, qui sera là pour vous faire danser. Donc voilà, n'oubliez pas, appelez-nous, hein, je répète le numéro, soit au 02 38 43 50 09, ça c'est le secrétariat, soit auprès des animateurs au 02 38 43 48 00. Donnez votre nom et nombre de personnes, et voilà, et on retiendra pour savoir le nombre de personnes voilà, qu'il y aura. Donc n'hésitez pas à appeler. Et là, on écoute Toki Dança, Viva Volta Portugal. Donc là, c'est pareil. Toc et Danse qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le 11 février à la salle de Montition à partir de 21h. Donc voilà, réservez cette date. Et le bal aussi qui sera animé par le groupe le 25 avril. Viva Volta Portugal. Do alto da montanha, onde Toque Danse, vive à Volta Portugal. Donc Toque Danse qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le 11 février à la salle Montition de Saint-Jean-le-Blanc. Donc réservez cette date le 11 février. Et on continue avec Linda da Silva, Marinheiro. Donc Linda da Silva qui nous a quittés il y a une semaine. Et c'était aujourd'hui les cérémonies de. Voilà, son enterrement c'était aujourd'hui. Donc voilà, pour lui rendre hommage, une chanson au Marinheiro. Atlantique, il a vécu comme un corsaire. Messieurs, messieurs, Marinheiro est de retour. Mesdames, mesdames, on dit que c'est par amour. Olé, olé, Marinheiro dans la ville. Olé, olé. Marinheiro, marinheiro, nous arrive du bout du monde, avec des soies magnifiques pour les brunes et pour les blondes. Marinheiro, marinheiro, et ses papiers sont fortune, il revient sur un toit mal rempli d'or et de bijoux. Messieurs, messieurs, marinheiro est de retour. Mesdames, mesdames, on dit que c'est par amour. Hola, olé, marinheiro dans la ville. Olé, olá, olé, viens, garde à vos filles. Marinheiro, marinheiro, aime le grand vent dans les voiles, le soleil brûlant d'Afrique et les aurores boréales. Marinheiro, marinheiro, est un enfant de bohème, il ne sait pas dire merci, il sait trop bien dire je t'aime. Messieurs, messieurs, marinheiro est de retour. Mesdames, on dit que c'est par amour. Olé, olé, marinheiro dans la ville. Olé, olé, prenez bien garde à vos filles. Olé, olé, marinheiro de retour. Olé, olé, on dit que c'est par amour. Roda, entra na roda e começa a dançar. É roda e dança. Vai que vem, vai que tu vos balança. dá-me só uma noite para te poder abraçar, beijar, amar como até hoje. Só mais uma noite, apenas uma noite. Como uma estrela vinda do céu, senti andava tão perdido. E és o melhor que aconteceu. Posso fazer mil promessas para ficar sempre aqui. E não me outras convenças, direm que só te quero a ti. Só mais uma noite. Emmanuel Campos, sans mais une nuit. Et on poursuit avec un roman, A Vida que se leva. Andar perdida, ter que estar em algum lugar, e mesmo assim não me apressar. Hoje eu quero passar o dia sem tristezas, só alegrias. Ouvir o que todos têm para me dizer e fazer o contrário se me apetecer. Não quero saber de desilusões. A vida não tem livro de reclamações. A não pensar no mal que faz, mas antes no bem que sabe. A não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. A não pensar duas vezes no que os outros vão pensar. É passarmos pelo tempo sem o deixarmos passar. Pois afinal de contas resta só uma certeza que se leva desta vida. É a vida que se leva. Quero andar em contramão, destacar-me da multidão, escolher o caminho sem pensar, cantar sem medo de desafinar, tirar os sapatos no meio da rua. Quero quebrar uma regra ou duas, começar a ler um livro pelo antes do prato principal. Não quero saber de desilusões. A vida não tem livro, ai, de reclamações. É não pensar no mal que faz, mas antes no bem que sabe. É não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. É não pensar duas vezes no que os outros vão pensar. É passarmos pelo tempo sem o deixarmos passar. Pois afinal de contas resta só uma certeza. O que se leva nesta vida, ai, é a vida que se leva. Pensar duas vezes no que os outros vão pensar. É passar pelo tempo

eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Vivo por ela. Ninguém duvida do que ela é tudo na minha vida. Quem ama não esquece, quem ama. Mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. h 50 sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission arrive à sa fin. Je vois qu'il y a Albino qui est déjà dans les studios, qui est arrivé là, il est juste en face de moi. Il va en profiter justement pour passer ses voeux à tous ses auditeurs. Bonjour Albino. Salut Emmanuel, tu veux bien? Oh dis donc, je suis très fort là, au niveau du micro. Ouais, c'est pour ça, il y avait un petit début de l'arsène là. Le bouton était peut-être à fond. Ouais. Ça a été ton réveillon? Ouais, très bien, écoute. Ça s'est bien passé? Très, très bien passé, oui. Ben voilà, on commence l'année dans l'émission Mavrica avec aujourd'hui, hein. C'est la première émission. C'est la première émission de cette Et année. Et puis j'en profite donc pour souhaiter tous les meilleurs vœux de bonne année à tous les auditeurs, à tous les tous les animateurs, à tous les gens de l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Ah, merci. Donc tous les gens qui participent à cette radio depuis beaucoup d'années. J'espère que cette année sera meilleure que la précédente. Voilà, c'est ce qu'on espère tous. Voilà, meilleure ou pas, qu'elle soit pas pire en tout cas. Qu'elle soit pas pire. Voilà, mais déjà. Ouais, parce qu'on a eu quand même des années un petit peu pénibles. Hein, mais bon, on a pas lâché l'affaire. Non, on est toujours là. La radio, voilà, fonctionne toujours. Et elle est repartie un petit peu. Hein, c'est reparti, on a recommencé avec des événements, surtout pour nous. Pour toi, de ton côté, je pense que ça y est, t'as repris beaucoup d'invités maintenant. Parce que oui, maintenant, il y a beaucoup d'invités. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Hein, je préfère l'annoncer tout de suite parce que c'était prévu déjà depuis pas mal de temps. Mais ce soir, il y aura un invité et il y en a déjà pour jusqu'au mois de mars. Hein, il y a encore quelques petits trous à droite à gauche, mais bon, on va les combler au fur et à mesure. Ouais, bon, alors si je te fais confiance, de toute façon, je sais que t'as beaucoup de demandes de gens qui demandent à passer dans tes émissions. Ouais, et puis si vraiment j'ai personne, à la limite, j'essaie de voir les personnes qui avaient émis un désir de passer dans l'émission, puis je les contacte, et puis on essaie d'organiser ça, il n'y a pas de souci. Enfin, j'essaie toujours de maintenir au moins 2-3 semaines d'avance quand même. Hein. Voilà, faut pas s'y prendre au dernier moment, quoi. Bah ouais. Donc bah écoute, voilà, moi ça m'a fait plaisir de te revoir pour la première de l'année, quoi. Donc moi aussi, on te souhaite tous nos vœux, une bonne année 2023 à toi, ton émission et toute ta famille, quoi. Merci beaucoup. Hein. Et puisqu'on est là, j'en profite encore. Tu sais que Radio Arc-en-Ciel organise comme tous les ans, oui, mais pendant 2-3 ans, on l'a pas fait à cause justement du Covid. Et donc là, cette année, Radio Arc-en-Ciel organise une galette des rois qui est offerte à tous les adhérents qui sont à jour ou qui peuvent devenir adhérents ce jour-là. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils sont pas adhérents, mais ils disent je veux devenir adhérent et ils peuvent venir. Il suffit de réserver un petit peu à l'avance. Alors quoi, voilà, c'est faut ça, réserver, la condition. Faut s'inscrire parce qu'il faut qu'on sache le nombre de personnes qu'il y a. Donc ça sera organisé dans la salle des fêtes qui est en bas ici de nos studios. Hein, c'est au 266 Faubourg Bagné, dans la salle des fêtes de Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, Radio Arc-en-Ciel offre bien sûr boisson et la galette, mais il y a une nouveauté, c'est qu'on aura l'accordéoniste Fernand Martins qui sera là pour animer l'après-midi. D'accord, il y aura de l'animation en plus. Il y aura une animation. Donc voilà. Il y aura à boire, à manger et puis de la bonne musique. Et puis de la belle musique, ceux qui viennent pour danser, tout ça. Donc voilà, à partir de 15h. Hein. Il suffit qu'ils s'inscrivent en nous contactant au secrétariat. Donc je vais donner le numéro de téléphone, c'est le 02 38 43 50 09. Ou auprès des animateurs, même par exemple toi ce soir, si tu reçois des demandes, je le note et puis je vous le fais parvenir, il n'y a pas de souci. Leur nom, leur numéro de sociétaire, s'ils sont adhérents, s'ils ne le sont pas, ils veulent devenir, c'est pas grave, ils donnent leur nom, ils disent qu'ils veulent devenir adhérents et puis bon, ils régleront le jour même. Mmh. Et ils donnent leur nom et le nombre de personnes qui seront. Voilà, tu prends ça et tu donnes ça après au secrétariat. Et nous, voilà, après, on fait le reste. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Quand il y a des choses comme ça, des informations, on les transmet à la direction parce qu'il y a quand même des gens qui gèrent tout ça. Oui, hein, et voilà. Puis maintenant, voilà, nous avons une secrétaire. Hein, nous avons une employée qui s'appelle Annabella, une personne très, très sympa d'ailleurs, qui est là tous les jours, hein, du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h. Donc voilà, vous pouvez l'appeler ou venir directement ici pour vous inscrire, régler votre cotisation ou devenir aussi adhérent. Ça voilà. C'est important ça. Voilà. Et aussi une autre chose, c'est que Radio Arc-en-Ciel organise aussi un bal le 11 février. Donc là, retenez bien, marquez bien cette date, le 11 février à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Et ça sera avec Toque et Danse. Alors je pense que la plupart des Portugais qui sont ici sur Orléans connaissent parce qu'ils sont de notre région. Ils sont de la région de Marco Canavé, je crois. C'est pas loin d'Amarante. C'est la première fois qu'ils viennent à Orléans. Donc Toque et Danse qui sera le 11 février à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Et ça sera animé, il y aura un bal animé avec le groupe 25 d'avril, que aussi la plupart des Portugais connaissent. Donc retenez bien cette date, le 11 février à partir de 21h à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc, un grand bal avec Toque Dance et le groupe 25 d'avril. Voilà, t'as tout dit, il n'y a rien à rajouter. Pense, et puis voilà, s'ils veulent des infos, ils peuvent appeler, comme je dis, ils peuvent appeler au 02 38 43 50 09, c'est le secrétariat. Et elle lui donnera toutes les infos qu'il y a à savoir. Donc ouais, écoute, je vais te laisser parce que bientôt, je vais bientôt empiéter sur ton émission. Oh, il y a encore un petit peu le temps. Ouais, et puis mon invité n'est pas encore arrivé, donc ça devrait le faire. J'en profite pour me donner rendez-vous à tous mes auditeurs qui m'écoutent, donc vendredi prochain, à la même heure, à partir de 17h jusqu'à 19h. En attendant, je leur souhaite un bon week-end, un bon fin de semaine. Je leur dis rendez-vous à vendredi prochain. Allez, salut, à vendredi prochain. À vendredi prochain, au revoir, Albino. Cherche son regard dans la gêne de la piscine. Sorrir do meu pai. Amo a passar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bumbum. Já fico louco, já fico maluco. E esse moreninho já não te sai da cabeça. És o amor, só tu tens tudo que eu precisa. Bonito, bonito, oh. Foi no bailarico, oh, que o amor chegou, que o amor chegou. Bonito, bonito, oh, foi no bailarico, oh, no baile do amor, no baile do amor. Yeah, come on, let's go. Mas quando chegou, com a esperança de um dia regressar.